317 observation, the definite articles le, la, and l apostrophe. La jeune fille de l'histoire va être française, et le jeune homme va être américain. Article défini masculin, le jeune homme, l'ami. Féminin, la jeune fille, l'ami. Le, la, and l are definite articles. Le and la precede words that begin with a consonant sound, such as jeune fille, professeur, voyage, je, and français. L apostrophe precedes words that begin with a vowel sound, such as ami, étudiant, histoire, and américain. This is an example of élision, which is discussed further in lesson 4.